peux vous aider, monsieur ? Je vais la prendre. Pardon ? Autant j'hésitais, mais là, terminé, je la prends. Vous prenez quoi ? Bah, la Volkswagen. Ah ! Quoi, y en a plus ? Ah si, plein, mais moi je suis là pour le ménage, en fait. On ouvre dans une heure, monsieur. Vous seriez pas en train de me piquer la place, là ? Ah non, pas du tout. Je vais rester avec vous, quand même. Ne laissez pas passer votre chance. Du 14 au 18 mars, profitez du crédit 0% sur toute la gamme Volkswagen. Retrouvez cette offre dès maintenant sur Volkswagen.fr. Pour 10 000 euros empruntés, 1 500 euros d'apport, 36 mensualités de 277,78 €, montant total dû 10 000 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, conditions sur Volkswagen.fr. C'était une première, la prise de contrôle en pleine mer d'un paquebot transportant plus de 600 passagers et 350 hommes d'équipage. Acte de piratage ou spectaculaire manifestation politique, pour les propriétaires du bâtiment battant pavillon portugais et pour le gouvernement de Lisbonne, il ne fait nul doute que les 25 hommes qui se sont emparés du navire sont des pirates qui doivent être traités comme tels. Mais pour les hommes du commando et d'une façon générale pour les opposants à la dictature de Salazar, c'est une action politique. D'ailleurs, les pseudo-pirates n'ont-ils pas proclamé tout de suite que le Santa Maria, aussitôt rebaptisé Santa Liberdade, était désormais une parcelle de territoire portugais libéré. Monsieur X se propose donc de nous raconter cette semaine cette extraordinaire odyssée qui, en cette année 1961, a alors un énorme retentissement dans le monde entier qui va voir intervenir plusieurs gouvernements étrangers. Plus important encore, cet événement aura des répercussions considérables sur l'avenir du Portugal et marquera le commencement de la fin d'un régime totalitaire vieillissant et d'une société figée depuis plus de 30 ans. Et au fond, il faut sans doute voir dans l'aventure un peu folle du capitaine Galvan et de ses hommes l'amorce de ce qui deviendra, 13 ans plus tard, la révolution des œillets. L'affaire a été bien préparée. Il fait nuit lorsqu'une trentaine de passagers du Santa Maria quittent leur cabine et se métamorphosent soudain en pirates. Un mot d'abord sur ce paquebot, là, le Santa Maria. Bon, si vous voulez, c'est un des fleurons de la flotte commerciale portugaise. Un bâtiment luxueux qui navigue sur la ligne entre Lisbonne et la Floride via Madère et les Caraïbes. C'est donc en pleine nuit que les guerrieros s'emparent du paquebot. Où se trouve alors le Santa Maria ? Il navigue alors dans les Caraïbes, là où il a fait plusieurs escales. L'affaire est rondement menée. Ils montent jusqu'à la passerelle du commandant et annoncent qu'ils sont désormais les seuls maîtres à bord. Toutefois, il y a un incident assez grave. Quoi ? L'officier de quart ne se laisse pas faire. Il y a une rixe, des coups de feu, l'homme s'écroule, mortellement blessé. Quelques autres membres de l'équipage sont aussi touchés. Le commando est donc armé. Hein ? Naturellement, mais pauvrement armé. Seuls les deux tiers de ces hommes possèdent des armes à feu. Les autres ne disposent que d'armes blanches. Effectivement, petit armement. Et l'équipage ? Il n'y a pas d'armes à bord. Les assaillants, eux, ont dissimulé leur petit arsenal dans leur bagage. À l'époque, en 1961, les bagages des passagers ne sont pas fouillés. Et puis cette affaire est une première. Oui, on ne s'était encore jamais attaqué à un navire de ligne. C'est hein, ça, oui. Et ces hommes, alors ? Ils se présentent eux-mêmes comme des militants d'un mouvement, d'une organisation encore inconnue. La DRIL, ça veut dire la Direction Révolutionnaire Ibérique de Libération. Et ça signifie qu'il s'agit d'un commando mixte composé d'Espagnols et de Portugais. Des militants qui s'opposent à leurs dictatures respectives. Oui, celle de Franco et de Salazar. Mais les Portugais sont les plus nombreux. Leur chef est un personnage assez étonnant, Henrique Galvão. Et avant de voir la suite des événements, je vous propose de nous attarder quelques instants sur la personnalité de cet homme. D'accord, je vous écoute. Galvão, qui a alors plus de 60 ans, est un touche-à-tout. Écrivain reconnu, auteur de romans, de pièces, de théâtre et de récits. Mais c'est aussi un grand connaisseur de la faune africaine et un amateur de chasse au gros gibier. Mais c'est sa carrière politique et militaire qui fait la réputation de ce capitaine. Parce que c'est un authentique officier ? Oui, même si à l'occasion de l'affaire du Santa Maria, il arbore un uniforme sur lequel il a cousu des étoiles fantaisistes. Galvão a d'abord fait des études militaires classiques, couronnées par un séjour dans notre école polytechnique. Jeune officier, il participe dans les années 20 au coup d'État qui met à bas une république portugaise vacillante. Coup d'État qui permettra ensuite à Salazar de s'emparer du pouvoir. Ah oui, alors c'est un putschiste, là, lui aussi. Incontestablement. Mmh. Et ça lui vaut d'être nommé gouverneur d'une province angolaise. L'Angola, hein, c'est ça. Mmh. C'est qui est alors la plus grande colonie portugaise. Oui. Hein, ouais. Quelques années plus tard, passionné par l'Afrique, il est l'artisan d'une prestigieuse exposition coloniale organisée à l'occasion du 8e centenaire de la fondation du Royaume de Portugal. Mmh. Ça veut dire qu'il est toujours très en cours. C'est certain, puisqu'il devient ensuite député. Et bientôt, son destin va basculer. Chargé d'une mission d'enquête sur les provinces africaines, il rédige un rapport très critique sur l'administration coloniale et ses méthodes. Un rapport qui est aussitôt enterré. Furieux, Galvan bascule alors dans l'opposition au régime. Et pour faire taire ce personnage qui n'a pas sa langue dans sa poche, on l'accuse d'un complot contre la sûreté de l'État et on l'emprisonne. Oui, c'est classique. Hein. Mais dès sa libération, Galvan récidive et en 1958, un tribunal qui siège à huis clos le condamne à une très lourde peine et à la dégradation militaire. 1958, c'est aussi l'année où, pour la première fois dans l'histoire de la dictature, un homme se présente à l'élection présidentielle contre le candidat de Salazar avec de fortes chances de l'emporter. Qui ? Un général, Humberto Delgado. Un homme dont je vais vous reparler bientôt car il n'est nullement étranger à l'affaire de la Santa Maria. Mais pour l'instant, il vous faut simplement savoir que Delgado, victime d'une fraude massive et d'une propagande éhontée en faveur du candidat de la dictature, échoue. Et ce n'est pourtant pas la faute de Galvan. L'ex-capitaine de sa cellule, a mené une campagne électorale très efficace. Bah, de sa cellule, vouée à l'échec, cette campagne. Forcément. Ouais. Un an plus tard, sous un prétexte quelconque, Galvan parvient à se faire hospitaliser et, déguisé en infirmier, il s'évade. Quelques jours après, il se présente à l'ambassade argentine et demande l'asile politique, ce qu'il obtient après moult tractations entre Lisbonne et Buenos Aires. Mmh. Et donc, Lima. Et toujours décidé à se battre contre Salazar, il parcourt l'Amérique latine et mène une campagne contre la dictature portugaise. Mmh. Dispose-t-il alors de soutien ? Très peu. Fidel Castro, qu'il est allé voir à Cuba, lui a peut-être donné quelques subsides, mais ça doit être à peu près tout. Et les militants qui vont l'accompagner dans l'affaire de la Santa Maria devront casser leur tirelire pour acheter leur billet de passager. Non, Galvan est très pauvre, vraiment très pauvre. D'après le portrait que vous en avez tracé là, est-ce qu'on ne peut pas penser que ce capitaine est une sorte d'illuminé ? Bien sûr, c'est toujours ce qu'ont prétendu ses ennemis, mais non, pas un fou. Un exalté, oui. Un idéaliste, si vous voulez, un romantique, sûrement. Une sorte de Don Quichotte. Admettons. Alors, revenons sur le Santa Maria. Volontiers. Comment réagit le capitaine du paquebot, là ? Cet officier, le capitaine Maya, est un civil, bien entendu. Et lorsque Galvan se rend dans sa cabine, il n'a ni les moyens ni la volonté de résister. Au lieu de demeurer enfermé dans sa cabine ou dans la soute, il accepte la proposition de Galvan. C'est-à-dire Il reste commandant de son bâtiment à condition d'obéir aux ordres. Ouais. Alors c'est le véritable capitaine, c'est Galvan qui décide de la route à suivre. Exactement. Mmh. Et sa priorité, ce sont les blessés, dont l'un est assez sérieusement touché. Le Santa Maria, devenu le Santa Liberdad, vogue vers l'île des Caraïbes la plus proche. Il a été rebaptisé. Là. Ouais. Ouais. C'est donc Sainte-Lucie, une possession britannique. Une chaloupe est mise à l'eau et les blessés et le cadavre de l'officier de gare sont débarqués. Et puis le paquebot s'éloigne. Mm-hmm. Quel est l'objectif alors poursuivi par Galvan et son commando ? Le but, c'est l'Afrique. Les hommes qui se sont emparés du paquebot veulent gagner les côtes africaines. Et très exactement, une colonie espagnole du golfe de Guinée, Fernando Po. De là, ils entendent préparer une attaque sur l'Angola et rallier à leur cause les populations indigènes qui réclament leur indépendance. Est-ce que ça vous paraît réalisable, sinon réaliste ? Pas trop, non. Non, non. C'est vrai que les colonies portugaises commencent à connaître un vent de rébellion. Surtout depuis que les autres grandes puissances ont accordé l'indépendance à leurs propres colonies. Mais les maquisards sont encore incapables de résister sérieusement à l'armée portugaise. Une armée qui n'est pas encore celle des capitaines de la révolution des œillets. Et qui opposera donc une résistance aux rebelles, c'est ça ? Certainement. Mais il faut aussi tenir compte du choc psychologique que provoquerait un tel événement. Le régime de Salazar risquerait d'être ébranlé. Ouais. Alors, le Santa Maria, ou plutôt le Santa Liberdad, navigue vers l'Afrique. Oui, mais pour peu de temps. Le détour humanitaire par Sainte-Lucie a retardé le navire et donc le plan de Galvan. Ça veut dire qu'il risque d'être repéré plutôt que prévu. Mm-hmm. Attendez, avant d'aller plus loin, Est-ce que la nouvelle est déjà connue ? Assez vite, oui. Et c'est Galvan lui-même qui a pris l'initiative d'annoncer son action d'éclat. Il a envoyé un message radio à une chaîne de télévision américaine, à charge pour elle de diffuser l'information dans le monde entier. Le capitaine y déclare que le Santa Liberdade est devenu le premier morceau de territoire portugais libéré. Parce que un paquebot peut être considéré comme une terre portugaise ? Oui, mais Galvan s'est bien gardé de donner sa position et surtout, il a évité de dire ce qu'il entendait faire. C'est-à-dire sa destination ? Bien sûr, parce qu'il doute bien que les autorités portugaises risquent de réagir et même d'autres gouvernements, si son initiative est assimilée à un acte de piraterie maritime réprimé par les lois internationales sur la mer. Je sais bien que l'océan Atlantique est immense, mais le paquebot ne peut pas très longtemps rester inaperçu. Hein. C'est exact. Et effectivement, un cargo croise sa route 2 ou 3 jours après le début de l'opération. L'alerte est donnée. Peu de temps après, un avion de l'US Air Force survole le Santa Maria qui se trouve à mi-chemin entre l'Amérique et l'Afrique. Et Galvan, sans doute après avoir conféré par radio avec sa base terrestre, renonce à son objectif africain. Allez, sa base terrestre. Oui, au Brésil, où se trouve l'homme qui contrôle l'entreprise. Qui alors ? Ce général Delgado que j'ai brièvement évoqué, l'ennemi numéro 1 de Salazar. Le général Delgado était-il le deus ex machina de cette opération spectaculaire ? Monsieur X en semble persuadé. Quoi qu'il en soit, dans son premier communiqué envoyé à la chaîne NBC, Enrique Galvan se réfère à ce général qui a osé défier Salazar dans les urnes. Voici des extraits de ce document. Au nom de la junte internationale de libéraux présidée par le général Humberto Delgado, président élu de la République portugaise, privé frauduleusement de ses droits par le gouvernement Salazar, je m'empresse de me charger des forces sous mon commandement comme première mesure pour libérer les territoires nationaux. Nous ne pouvons pas révéler notre destination après avoir engagé ouvertement la lutte contre la tyrannie de Salazar. Nous essayons d'arriver à un objectif purement démocratique plutôt que purement antitotalitaire contre toutes les tyrannies. Nous ne demandons pas seulement l'appui de tous les gouvernements et de tous les peuples vraiment libres du monde libre, mais aussi la reconnaissance politique de cette parcelle libérée de notre territoire national présidée par le général Delgado, que le peuple portugais a choisi à la majorité et qui est notre chef de droit. Pour commencer notre action, nous ne faisons appel à aucune assistance politique ou matérielle des gouvernements étrangers, mais seulement au dévouement patriotique et au sacrifice du personnel sous mon commandement et celui de la base. Une question avant de poursuivre là. Comment l'équipage et les passagers réagissent-ils ? L'équipage n'a guère de choix, d'autant que le capitaine Maya a opté pour l'obéissance. Quelques hommes et femmes se rallient au commando, mais la majorité reste passive, même si on assistera vers la fin à quelques actes de sabotage afin de précipiter le dénouement. Et les passagers, alors ? Au début, ils s'inquiètent pas trop. Certains se disent même que l'aventure est piquante, et puis le service continue comme si de rien n'était. Mais au fil des jours, l'angoisse va monter, et la plupart des passagers auront hâte d'en terminer et de regagner la terre ferme. Ça veut dire en tout cas que les membres du commando ne sont pas menaçants. Tout à fait. Ils n'ont jamais donné l'impression aux passagers qu'ils étaient des otages. Bon, que se passe-t-il à partir du moment où le Santa Maria a été repéré ? La marine états-unienne, sans doute à la demande pressante des autorités portugaises, envoie des bâtiments de guerre au devant du paquebot. En quel but ? La raisonner ? Non. Au minimum, il s'agit de le surveiller et surtout de faire pression sur Galvan pour qu'il mette le cap sur un port et débarque les passagers. Au fait, pourquoi les Américains ? Le gouvernement Salazar est un gouvernement ami. Le Portugal a adhéré à l'OTAN. Et Washington s'est toujours accommodé du régime dictatorial en place à Lisbonne. Toutefois, ça se gâtera en partie à cause de la politique coloniale des Portugais. Mais nous n'en sommes pas encore là. Et Kennedy, qui amorcera ce changement, vient tout juste d'arriver au pouvoir. Ouais. Il va donc y avoir un dialogue entre les Américains et Galvan. Oui, et au cours de ces échanges par radio, le capitaine insiste sur le caractère politique de son action. C'est contre Salazar qu'il se bat, contre la dictature et le colonialisme portugais en Afrique. D'ailleurs, il en appelle à l'ONU. Il ne veut pas être considéré comme un pirate, mais comme un insurgé. et il demande que le Santa Maria soit reconnu comme un territoire portugais libéré. C'est, dit-il, à cette seule condition qu'il acceptera de jeter l'ancre dans un port. Et de laisser les passagers descendre à terre. Bien entendu. Et la réaction au Portugal? C'est la fureur. La presse aux ordres se déchaîne contre Galvan, et je vous passe les épithètes dont on l'affuble. Toutefois, Lisbonne n'envisage pas encore une action de force. Les Portugais laissent ce soin là aux Américains? Éventuellement, oui. Et au Brésil, le général Delgado prend conscience du danger. Et du danger d'arraisonnement. C'est ça. Ouais. Les bâtiments de guerre américains se sont en effet rapprochés du Santa Maria, qui fait maintenant des ronds dans l'eau à quelques centaines de milles des côtes brésiliennes. Et des avions le survolent en permanence. Humberto Delgado prend donc l'initiative de s'adresser directement au président Kennedy, qu'il a connu personnellement lorsqu'il était attaché militaire à Washington et membre du comité exécutif de l'OTAN. Ouais. C'est peut-être le moment là de me parler plus précisément de ce général Delgado. Il est plus jeune que Galvan. C'est lui aussi un brillant sujet de l'école militaire. Et il a à peine 20 ans quand il participe au putsch militaire qui renverse la République portugaise. Comme Galvan, donc. Ouais, et quand Salazar devient président du Conseil et dictateur, de fait, Delgado ne trouve rien à redire et commence une carrière exceptionnelle. Dès 1936, il a alors 30 ans, il est nommé général dans l'armée de l'air. C'est à ce titre qu'il participe pendant la Seconde Guerre mondiale aux négociations avec les Alliés à propos des Açores. Et de quoi s'agit-il, rappelez-moi? Salazar, bien qu'il ait été idéologiquement proche des puissances de l'Axe, a choisi de laisser son pays en dehors du conflit. La neutralité. Une neutralité bienveillante. Les Portugais ont continué à commercer avec les nazis. Mais à partir de 1942, la situation évolue. Le Troisième Reich a été battu à Stalingrad et les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Le vent tourne, quoi. Oui, Salazar avec lui. Aussi, quand les Anglo-Saxons lui demandent de pouvoir bénéficier d'une base dans les Açores, le dictateur portugais décide de répondre positivement. Et Delgado est l'un des membres de la délégation qui discute avec les Alliés. Ça lui vaudra d'ailleurs d'être décoré par les Britanniques. La suite de sa carrière est tout aussi prestigieuse. À la fin de la guerre, il est nommé chef de l'aviation civile. C'est lui aussi qui crée la compagnie aérienne portugaise et qui développe des liaisons régulières vers les colonies. Bon, d'après ce que vous avez dit, c'est un pilier du régime. Oui, il est ensuite envoyé à Washington en tant qu'attaché militaire, comme je vous l'ai déjà dit. Et là, manifestement, au contact de la société nord-américaine, il évolue et prend conscience des tares de la dictature portugaise et il entre peu à peu en dissidence. Il devient démocrate, si je vous comprends bien. Oui, mais enfin un démocrate encore teinté de conservatisme. En tout cas, lorsque des opposants au régime lui proposent d'être candidat à l'élection présidentielle de 1958, il n'hésite guère. Et qui est derrière lui à ce moment-là? Des démocrates, des catholiques libéraux, des monarchistes aussi. Et dans l'opposition, seuls les communistes lui refusent leur soutien parce qu'ils le jugent trop proche des Américains. Et son programme Il est très modéré, mais il se prononce contre le totalitarisme et pour une réforme de la politique coloniale. Delgado bénéficie aussitôt d'une grande popularité à travers tout le pays. Oui, parce qu'il représente un souffle nouveau. Effectivement, oui. Avec ce jeune général très charismatique, les Portugais espèrent en finir avec un régime honni, d'autant qu'il ne mâche pas ses mots. Quand on lui demande ce qu'il entend faire de Salazar s'il est élu, il n'hésite pas à dire « je l'obligerai à démissionner ». Ce qu'il peut faire légalement s'il est élu président? Oui, la Constitution le permet. Mais jusque-là, Salazar, qui occupe de façon ininterrompue la présidence du Conseil, s'est toujours arrangé pour faire élire des présidents de la République fantoches et aux ordres. Donc, Delgado représente une véritable menace pour Salazar. Oui, pour la première fois depuis plus de 20 ans. Alors, toute la machine de l'État se met en marche pour contrer Delgado. Mais malgré la fraude, le bourrage des urnes, l'intimidation des électeurs ruraux et le reste, le général rassemble quand même plus de 20% des voix. À votre avis, aurait-il pu être élu à la régulière? Écoute, franchement, je n'en sais rien. Mais il aurait certainement rassemblé beaucoup plus de voix. Quoi qu'il en soit, aussitôt après, Salazar réagit. Il supprime l'élection du président de la République au suffrage universel. Parce que le vent du boulet est passé trop près, là. Oui, naturellement. Et le dictateur s'en prend à Delgado. Il est viré de son poste à l'aviation civile, et comme il ne renonce pas à l'action politique, Lapide, la sinistre police secrète du régime, s'occupe de son cas. Tant et si bien que le général trouve plus prudent de s'exiler au Brésil, où on lui offre l'asile politique. Et il devient de facto l'opposant numéro un de Salazar. Alors, Revenons à l'aventure du Santa Maria. Delgado, m'avez-vous dit, s'adresse à Kennedy. Que lui demande-t-il? En tant que vieil ami des États-Unis, c'est l'expression exacte qu'il emploie, il demande que cesse la surveillance exercée sur le Santa Maria. Bref, il aimerait bien que les bâtiments de guerre américains s'éloignent. Mais oui, car dit-il, cette surveillance nuit au secret des mouvements du paquebot. Oui, mais un secret éventé depuis bien longtemps maintenant. Oui, qui ne pourra pas être recouvré, d'autant que le temps presse. À bord, les réserves de vivres et d'eau douce s'épuisent. Non, je crois que Delgado lui-même ne croyait pas que Kennedy accéderait à sa requête, mais c'était une façon d'assumer la responsabilité politique de l'opération. Et puis aussi de dire poliment au président américain, c'est une affaire qui ne vous regarde pas. Par ailleurs, Delgado n'avait peut-être pas vraiment envie que les navires états-uniens s'éloignent. Oh, là, je comprends pas, il faut m'expliquer. Lisbonne avait décidé d'envoyer deux bâtiments de guerre dans la zone. Il était certain que tant que les navires américains étaient présents, les Portugais n'oseraient pas tenter un coup de force. Alors, d'une certaine façon, l'US Navy protégeait donc le Santa Maria. Comme vous dites, d'une certaine façon, oui. Mais d'une manière ou d'une autre, il fallait maintenant trouver au plus vite une solution, parce qu'à bord du Santa Maria, la situation se dégradait. Quatre jours après la prise de contrôle du Santa Maria par le capitaine Galvan, Humberto Delgado accorde une interview au Daily Herald. D'emblée, il affirme que c'est lui qui a donné l'ordre de saisir le paquebot et il ajoute qu'il sera bientôt de retour au Portugal. Pour lui, la capture du Santa Maria constitue la première phase d'un plus vaste plan. Et la seconde phase, lui demande-t-on. Réponse, c'est un secret. Mais je puis vous assurer que je rentrerai au Portugal. Cependant, je ne puis encore vous dire si c'est une question de jours ou de semaines. Je prépare cette affaire avec Galvan et mes amis depuis 5 mois. Je suis allé les retrouver au Venezuela. Ensemble, nous avons décidé de saisir un navire pour commencer. Il y a un mois, nous avons décidé que ce navire serait le Santa Maria. Enfin, dans le même article du quotidien anglais, le général révèle qu'il a envoyé aux ambassadeurs de Grande-Bretagne et des États-Unis, au Brésil, le télégramme suivant. « J'ai l'honneur de prier Votre Excellence d'informer son gouvernement que l'affaire du bateau Santa Maria ne constitue nullement un acte de mutinerie ou de piraterie, mais bien une mainmise par des Portugais sur un transport portugais à des fins politiques portugaises. Je demande instamment à votre gouvernement de ne pas intervenir dans cette affaire. » Galvan, en parfait accord avec Delgado, décide de se rapprocher des côtes brésiliennes au début du mois de février, plus de 10 jours après le début de l'opération. Pourquoi le Brésil? Il y a d'abord les liens traditionnels entre les deux pays. Le Brésil, ancienne colonie portugaise. Et donc éventuellement sensible au programme anticolonialiste des rebelles. Et puis Delgado se trouve au Brésil, où le gouvernement lui a accordé l'asile politique. En outre, le nouveau président, Quadros, vient d'y être élu et investi quelques jours plus tôt. Delgado, qu'il connaît bien, estime qu'il peut accéder aux exigences formulées par le capitaine Galvan. D'ailleurs, dès que le Santa Maria arrive au large du port de Recife, à la limite des eaux territoriales, Delgado prend les choses en main et gagne le bord du paquebot par ses propres moyens. Vous avez parlé des exigences de Galvan, hein. Quelles sont-elles? Il veut bien laisser débarquer les passagers à deux conditions. D'abord, il veut bénéficier, lui et ses hommes, du statut de belligérant. Ensuite, il entend continuer à garder le contrôle du bâtiment et, bien sûr, il exclut toute tentative d'action de force par la marine brésilienne. Quand vous me disiez, tout à l'heure, que les passagers n'étaient pas des otages, ça ne me semble pas tout à fait exact. C'est bien le sort des passagers qui est en jeu dans cette affaire. C'est juste. Je voulais simplement dire que les passagers n'ont été à aucun moment menacés, à la différence des actes de piraterie aérienne ou maritime qui suivront. Oui, d'accord. Quand même, il fallait préciser. Alors, la suite? D'abord, il faut dire que les États-Unis, pas mécontents, ont passé le bébé aux autorités brésiliennes. Leurs bâtiments de guerre ont fait demi-tour? Non, mais officiellement, c'est la marine brésilienne qui s'occupe de l'affaire. Le nouveau président brésilien, contrairement aux attentes de Delgado et Galvan, se montre très prudent. Certes, il se déclare tout de suite prêt à accorder le droit d'asile aux commandos du Santa Maria, mais en même temps, il se déclare très préoccupé par le sort des passagers dont il se sent en quelque sorte responsable. Bref, il exige qu'ils soient débarqués au plus vite. Bien entendu. et Gavan, après un dernier baroud d'honneur, doit abdiquer. Les passagers sont donc autorisés à débarquer. Et ce baroud d'honneur, là ? Mais il aurait voulu que le Santa Maria soit remorqué au large et s'aborder. Mais les autorités navales brésiliennes ne pouvaient pas accepter. Je suis certain que Delgado n'était pas d'accord avec le fougueux capitaine. Ouais, l'entente n'était pas parfaite entre les deux officiers. Bah, Delgado se méfiait beaucoup de l'aventurisme de Galvan. Et cela finira par une rupture quelques mois plus tard. En attendant, le capitaine remet officiellement le Santa Maria aux mains d'un amiral brésilien. Et pour faire plaisir à Galvan, cela se passe au cours d'une petite cérémonie militaire sur le pont du paquebot et en présence d'une centaine de journalistes. Puis le capitaine et ses hommes sont autorisés à débarquer. Ils ont donc obtenu le droit d'asile. Absolument, hein, oui. C'est la fin de l'aventure ? Galvan est amer, il aurait voulu obtenir davantage, et pourtant l'affaire a eu un retentissement énorme et a été ressenti comme un véritable camouflet pour le dictateur portugais. Alors dès lors, c'est un succès hein, pour l'opposition démocratique portugaise. Incontestablement, et Salazar ne tarde pas à se venger. Le procès par contumace des mutins, comme on les appelle au Portugal, a lieu un an plus tard. La presse les accuse d'avoir été manipulés par Cuba. Ils écopent tous de lourdes peines. 20 ans pour Delgado et Galvan. Mais des peines par contumace, hein ? Évidemment, ils n'ont pas commis l'erreur de rentrer au Portugal. Ouais. Mais en dehors de ce camouflet qu'ils ont infligé au dictateur portugais, est-ce que l'affaire du Santa Maria produit des effets à l'intérieur du pays ? En métropole, non. Non, la police secrète veille et ne fait pas bon s'opposer à Salazar. C'est immédiatement la prison, ou mieux, la déportation, ce qui arrivera à l'évêque de Porto. Alors même que l'Église catholique est encore un des piliers du régime. Non, non, c'est dans les colonies que l'aventure du capitaine Galvan produit les effets les plus visibles. Le Santa Maria est à peine remis aux autorités brésiliennes que Luanda, la capitale de l'Angola, se soulève. Et pour vous, il y a un lien de cause à effet ? Non, c'est évident. Dans les colonies portugaises, la population autochtone a suivi avec enthousiasme l'odyssée du Santa Maria. Enfin, quelqu'un a osé défier Salazar. Ouais. Et au début de ce même mois de février, les militants nationalistes du MPLA, le Mouvement Populaire pour l'Angola du docteur Neto, se lancent à l'assaut de la prison de la ville où sont détenus beaucoup des leurs. Il s'ensuit une répression très féroce qui se traduit par des massacres. La puissance coloniale portugaise est encore loin d'accepter de se séparer de son énorme empire d'outre-mer. Et que deviennent Galvan et Delgado ? Galvan, toujours réfugié au Brésil, jouit un temps de sa nouvelle popularité. Il est même question de la réalisation d'un film sur son aventure. Mais il se sépare peu à peu de ses amis, excédé par ses airs de bravache. Il commet aussi une erreur politique de taille qui justifie le divorce. C'est-à-dire ? Il affirme condamner Salazar, sauf sur un point. Il est d'accord avec le dictateur quand celui-ci déclare que les colonies portugaises ne sont pas encore mûres pour l'autodétermination. Ouais, c'est la rupture, là. Bien sûr. Car les opposants portugais pensent déjà, et ils n'ont pas tort, que c'est sur la question coloniale que le régime tombera. Galvan est donc désavoué. Il tente pourtant un nouveau coup en commanditant le détournement d'un petit avion de ligne qui assure la liaison entre le Maroc et le Portugal. Les pirates de l'air survolent Lisbonne et lâchent des tracts au-dessus de la capitale. Et des tracts, hein. Oui, qui appellent les Portugais à déchirer leur bulletin de vote lors de la prochaine élection présidentielle. Puis l'avion retourne se poser au Maroc. Les autorités de ce pays apprécient fort peu et expulsent Galvan et ses sympathisants. Il retourne au Brésil ? Oui, mais là-bas aussi, il devient de plus en plus indésirable et infréquentable. D'autant que les généraux brésiliens ont pris le pouvoir. Bref, la fin de la vie de Galvan est assez triste. Et quand il meurt dans un hôpital brésilien en 1970, il semble qu'il avait en partie perdu la raison. Ah, triste fin, oui. Ouais. Et le général Delgado, lui ? Ah bah ça, c'est autre chose. Si le capitaine Galvan apparaît comme étant une sorte de condottiere, le général, lui, est un opposant politique autrement sérieux et décidé. À la fin de l'année 61, il prend le risque d'entrer clandestinement au Portugal et se met en relation avec plusieurs garnisons. Il pense organiser un soulèvement militaire ? Je vous l'ai dit, les officiers portugais ne sont pas encore prêts à se révolter. Seule une de ces garnisons se mutine le 1er janvier 1962. Un sous-ministre est tué, mais l'insurrection échoue. Pourchassé par Lapide, la police politique, Delgado ne doit son salut qu'à un militant communiste qui le cache chez lui. Puis il parvient à regagner le Brésil, où il est assez mal reçu, car on l'accuse d'avoir abusé de son asile politique. Alors, est-ce qu'il va pour autant se tenir tranquille ? Impossible ! Maintenant, c'est une lutte à mort qu'il engage contre Salazar, et je pèse mes mots. En 1964, il s'installe en Algérie, où le président Ben Bella l'accueille avec les plus grands égards. Le choix d'Alger ne doit rien au hasard. Oui, bien sûr, c'est alors la capitale des révolutionnaires du monde entier. Mais surtout des révolutionnaires africains. Ouais. Or, Delgado va entraîner derrière lui tous les nationalistes des colonies portugaises. Angola, Mozambique, Guinée-Bissau. Et c'est avec leur aide, dit-il, que j'entrerai dans Lisbonne. Ce général, c'est quand même fortement radicalisé, car vous m'avez dit qu'il était plutôt pro-américain. Or, tous ces mouvements nationalistes africains sont plutôt d'obédience marxiste. Vous avez raison. Et sur le plan intérieur, il a évolué de la même façon. Il prend en effet la présidence d'un front patriotique de libération qui a été créé par le Parti communiste portugais. Il le sait ? Bien entendu. Il veut absolument unifier l'opposition. Il reste toujours persuadé qu'il faut employer la force pour renverser Salazar. Ouais, la force, donc les militaires. Hein. Aussi, quand on lui propose un rendez-vous avec des officiers prêts à entrer en rébellion, il n'hésite pas une seconde. Et où ce rendez-vous, là ? Badajoz, ville espagnole à proximité de la frontière portugaise. Delgado s'y rend donc avec l'un de ses collaborateurs, mais c'est un piège. Un guet-apens. Les prétendus officiers sont en réalité des agents de Lapide. Lapide qui n'a cessé de le surveiller depuis qu'elle l'a raté une première fois lors de cette insurrection qui a échoué. Delgado et son collaborateur sont abattus. On retrouvera leur cadavre 2 mois plus tard. Et vous êtes certain que c'est Lapide là, qui l'a fait assassiner ? Certain. Après la révolution des œillets, les meurtriers sont identifiés et reconnus coupables. Mais ils n'iront jamais en prison. Et pourquoi alors ? Ces agents de Lapide en savaient peut-être trop sur certains, même des officiers qui avaient vaincu la dictature et sur le personnel politique qui était maintenant au pouvoir. En 1990, le général Delgado a été fait maréchal de l'armée de l'air à titre posthume et sa dépouille a été déposée au Panthéon national à Lisbonne. Enfin, un dernier mot sur le capitaine Galvan. À l'occasion de sa mort en 1970, le journaliste du Monde, Marcel Niedergang, évoque ainsi cet homme de cœur qui aurait voulu être le Garibaldi du Portugal. Du capitaine au long cours de la marine portugaise qu'il a longtemps été, il avait conservé le goût du commandement et le maintien volontiers autoritaire. Du condottiere, il avait le profil aigu, le regard clair, le panache, une préférence pour l'action directe et spectaculaire, le manque aussi de sens politique et peu de constance dans l'effort. La révolution des œillets, une drôle de révolution. Ce sont des militaires qui la conduisent, mais des militaires progressistes, et pour certains d'entre eux, proches des communistes. Quelques mois plus tôt, il faut le rappeler, d'autres militaires ont pris le pouvoir au Chili, et ceux-là, qui ont imposé une dictature féroce, étaient loin d'être progressistes. Autre particularité, cette révolution a été fomentée par des officiers subalternes, des capitaines. Enfin, et ce n'est pas anodin, ces militaires portugais qui ont mis à bas un régime totalitaire vieux de presque un demi-siècle ne voulaient surtout pas faire couler le sang. Et si malgré tout il y a une poignée de morts, ils sont le fait d'une population qui a voulu se venger de la police secrète, la sinistre PIDE, principal bras armé de la dictature qui était à la fois une police politique et un service d'espionnage. Oui, curieuse révolution qui voit les habitants de Lisbonne descendre dans la rue et glisser dans les canons des fusils, des œillets, la fleur de ce mois d'avril au Portugal. Monsieur X a évoqué les premiers soubresauts qui ont agité le pays et surtout l'armée dès la fin des années 50. L'odyssée épique du capitaine Galvan qui s'empare d'un paquebot de luxe et nargue le pouvoir pendant plus de 10 jours, puis la montée en puissance d'un opposant, le général Humberto Delgado, qui devient l'adversaire numéro un du régime et sera assassiné dans un guet-apens tendu par Lapide. Mais Antonio de Oliveira Salazar n'en a pas terminé avec la grogne. Le verre est dans le fruit et la politique colonialiste qu'il entend poursuivre contre vents et marées finira par être fatale à son régime et à son successeur, Marcelo Caetano. Monsieur X, revient donc sur ces événements portugais, une histoire où rôde l'ombre des services secrets et où l'on retrouve même la présence tentaculaire des réseaux Gladio. Le Portugal, petit pays de 10 millions d'habitants, était pourtant à la tête d'un des plus grands empires coloniaux de la planète. Hein. Oui, toutes les possessions africaines. Ouais, l'Angola, un territoire gigantesque, et le Mozambique, sur la côte orientale du continent, mais aussi la Guinée-Bissau et les îles du Cap-Vert, et des possessions indiennes dans Goa, enfin bref, un empire de 2 millions de kilomètres carrés qui faisait la fierté de ce pays de conquérant, même si le Brésil lui avait été arraché dès le 19e siècle. Jusqu'en 1974, les dirigeants portugais ont toujours eu une haute conscience de leur mission civilisatrice et de la propagation du catholicisme. Ouais, mais cet empire craque dès le début de la deuxième moitié du 20e siècle. Bah forcément, le mouvement d'émancipation des colonies est mondial. Les unes après les autres, les puissances colonisatrices doivent concéder l'indépendance à leurs sujets outre-mer. Pour la France, c'est en 1960 qu'elle se sépare de ses dernières possessions africaines. À l'exception de l'Algérie qui attendra 1962. Oui, parce qu'elle était composée de départements français. Bah, enfin, ne nous éloignons pas. D'accord. Le Portugal, donc, résiste et il doit faire face à des rébellions armées qu'il réprime sans pitié. On estime alors que plus de 150 000 soldats portugais sont mobilisés dans ces colonies où ils conduisent une sale guerre, comme le sont toutes les guerres coloniales. Ouais. 150 000 soldats pour un petit pays, c'est énorme. Ouais. Hein. Et d'autant que le Portugal est alors victime d'une véritable évasion démographique. Les habitants, pour la plupart des jeunes gens, quittent alors leur pays par centaines de milliers pour fuir la misère et leur incorporation dans l'armée. Il faut savoir qu'en 1968, pour pallier cette évasion, la durée du service militaire passe à 4 ans. Ce qui accroît encore ce mouvement de fuite. Évidemment, l'obstination des autorités portugaises, les exactions qui sont quotidiennement commises dans les colonies valent au Portugal une condamnation unanime de la communauté internationale. Et elles exacerbent le mécontentement, tant dans la population que dans l'armée, où se lève une génération de jeunes officiers qui veulent en terminer avec ces guerres d'un autre âge. Mais si vous voulez bien, nous allons y revenir. Ouais, ouais. Un mot rapide avant, sur le régime politique portugais. Je vous écoute là. En 1926, le Portugal est encore une république parlementaire. Mais le système est à bout de souffle, miné par la corruption, le laisser-aller. Il est bientôt renversé par un coup d'état militaire. Je vous passe les détails, mais enfin, peu à peu émerge un homme qui va s'emparer du pouvoir. Oui, Salazar. Bien sûr. C'est pourtant pas un militaire, lui. Non. Antonio de Oliveira Salazar est professeur d'économie. Nommé ministre, il rétablit les finances publiques et en 1933... L'année où Hitler prend le pouvoir. Oui, donc cette année-là, Salazar devient président du Conseil et instaure ce qu'il appelle l'État nouveau. Une nouvelle constitution est promulguée. À côté d'un président de la République aux ordres et d'une assemblée qui ne dispose d'aucun pouvoir, Salazar peut régner en maître sur le pays. Le credo de ce catholique rigide et austère se résume à 5 mots. Dieu, patrie, autorité, famille et travail. On n'est pas loin de Vichy, là. Vous avez raison. Ce nouveau pouvoir autoritaire s'appuie donc sur l'Église, l'armée, une police secrète omniprésente et des syndicats corporatistes. S'agit-il pour autant de fascisme ? Il y a incontestablement des ressemblances. Le parti unique, l'absence de liberté, la censure, la chasse aux opposants, surtout les communistes, l'anti-parlementarisme. Mais il n'existe pas de milice armée comme les SS ou les chemises noires, non. Je crois qu'il faut plutôt parler d'une dictature ultra-conservatrice, imprégnée d'intégrisme catholique. La différence me semble quand même un peu mince. Sans doute, mais c'est au moment de la Seconde Guerre mondiale que Salazar très habilement va se différencier. Au lieu de faire cause commune avec les puissances de l'Axe, dont il se sent très proche, au moins par les idées, il choisit la neutralité. Mieux. Avec le soutien des Britanniques, il conseille à Franco d'adopter la même attitude. Ce que fera effectivement le dictateur espagnol, En outre, à partir de 1942, c'est-à-dire lorsque le vent semble souffler en faveur des alliés, Salazar leur permet d'utiliser les Açores comme base militaire. La conséquence, c'est que le dictateur sort sans encombre de la guerre. Soutenu par les anglo-saxons, il va même bénéficier des largesses du plan Marshall et être associé à la création de l'OTAN en tant que membre fondateur. Le Portugal est dès lors solidement ancré à l'ouest. Et en cette période de guerre froide, la politique résolument anticommuniste de Salazar est appréciée au plus haut point à Washington. Et ses liens très étroits ne s'affaibliront un temps que sous Kennedy, qui critiquera le colonialisme portugais. Le régime de Salazar connaît pourtant les premières difficultés à la fin des années 50. Oui, oui, même s'il a connu quelques difficultés auparavant. Mais vous avez raison. Allons vite. Le général Delgado, brillant officier, longtemps partisan de Salazar, émerge comme son principal opposant. Inutile d'insister, puisque nous en avons longuement parlé. Et puis ensuite, il y aura l'aventure du capitaine Galvan et de la Santa Maria. Oui, cela démontre qu'un véritable malaise se développe au sein des forces armées. Avant même l'affaire de la Santa Maria, des conjurés militaires ont tenté un coup d'État en 1959. Puis en 1961, c'est le ministre de la Défense lui-même qui fomente un complot. Et quelques mois plus tard, le général Delgado essaie à son tour de soulever plusieurs garnisons. Oui, en vain. Oui, oui, Salazar ne doit qu'à la PIDE, sa police secrète, de pouvoir déjouer toutes ces conjurations. Mais le régime commence à vaciller, hein, c'est bien ce que vous voulez dire. Il est en difficulté, oui. D'autant qu'il subit un autre coup très dur. À la fin de 1961, l'armée indienne met fin à l'occupation coloniale des comptoirs du Portugal. C'est une véritable humiliation pour le pouvoir, mais aussi pour une partie de l'armée. Ouais, l'Empire est débréché. Oui, et bientôt la rébellion va se développer comme un feu de brousse dans toutes les colonies africaines où des mouvements de libération, généralement marxistes et soutenus par les pays de l'Est, prennent les armes contre le colonisateur. Les combats sont de plus en plus violents et de nombreux militaires portugais tombent ou sont blessés. Plusieurs dizaines de milliers. En même temps, les populations blanches ne sont pas épargnées, bien entendu. Quant aux victimes de la répression, elles sont innombrables. Ouais. D'où un malaise grandissant dans l'armée. Naturellement. Mais avant d'aborder ce point essentiel, puisqu'il est à l'origine de la révolution des œillèges, je voudrais quand même insister sur un point assez peu connu. Donc, dernière puissance coloniale, le Portugal devient une sorte de symbole pour tous les extrémistes de droite. Et les nostalgiques de la période coloniale. Bien sûr, ouais. Pour beaucoup de ces gens-là, soldats perdus, monarchistes, intégristes, néo-nazis, Salazar demeure le dernier défenseur de l'Occident chrétien. Arrive donc au Portugal toute une faune extrémiste qui entend concourir à la préservation des valeurs traditionnelles. Certains même s'engagent comme mercenaires, d'autres travaillent en liaison étroite avec la PIDE. Un Français en particulier, un certain Guérin Serac, un ancien de l'OAS, crée une curieuse agence de presse au Portugal, Aginter. Pourquoi curieuse? Parce que si elle diffuse effectivement des informations, elle fonctionne plutôt comme un réseau qui relie plusieurs mouvements européens d'extrême droite. Aginter sera ainsi impliqué dans la stratégie de la tension créée de toutes pièces en Italie. Et à commencer par les attentats très meurtriers de l'extrême droite. Oui, oui, des attentats d'abord attribués aux anarchistes, mais dont on apprendra plus tard qu'ils ont été perpétrés par des organismes néofascistes, avec la complicité des services secrets et des membres du fameux réseau Gladio. Oui, Gladio, cette toile d'araignée inspirée par la CIA et qui couvre une bonne partie de l'Europe. Exactement. Destiné au départ à contrer une éventuelle invasion soviétique, Gladio, c'est-à-dire le glaive, est peu à peu devenu une officine clandestine anticommuniste qui n'hésite pas à courir à la violence. Rappelez-vous l'affaire des tueurs fous du Brabant. Ah, oui, oui. Gladio n'est certainement pas tout à fait étranger à ces massacres. Ah. Il se crée donc à travers Gladio, à travers aussi cette étrange agence de presse, une sorte, d'international noir. Oui, oui, et il est tentant pour certains services d'utiliser sa force de frappe ou de pénétration. À la suite de cet entretien, je me suis reporté à l'affaire Gladio de Jean-François Brezu Gentil, publié par Alma Michel. Voici ce que j'y lis à propos de l'agence Aginter. L'internationalisation des règles de la guerre psychologique par le canal de l'agence française s'effectue à travers une multitude de fiches de contact qui met Aginter au fait de la pyramide subversive qui tourmente l'Europe des années de plomb. Outre les relations régulières qu'entretient Aginter en Belgique, d'autres pays font appel au service de l'agence. Parmi ces fiches de contact, l'une fait référence à une correspondance italienne, l'agence Oltremare, officine animée par deux personnages hauts en couleur dans la stratégie de la tension italienne, Giorgio Torchia et Gino Agnese, présents dès le 3 mai 1965 au séminaire de la subversion italienne. Cette conférence signe l'acte de naissance de la guerre révolutionnaire en Italie. Elle retient l'héritage OAS et la définition Aginter de l'action psychologique, l'alliance du glaive et du faisceau contre le spectre stalinien. L'action psychologique est une arme des temps de paix qui a pour tâche de conditionner la population. Associée au terrorisme, elle devient une arme de guerre. Ces services secrets là, qui ont travaillé avec Aginter et donc avec Lapide, qui sont-ils? Ne parlons que de la France. Le SAC, c'est certain, a entretenu des relations avec Aginter. Ben voyons. Ce service d'action gaulliste très spécial a souvent flirté avec l'extrême droite. Et le SAC a donné un coup de main lorsqu'il s'est agi de surveiller les Portugais qui avaient choisi de s'installer chez nous. Ouais, et qui pouvaient se livrer éventuellement à des activités politiques? Bien sûr. Mmh. Mais même notre service de renseignement officiel, le SDEC, a collaboré à l'occasion avec Lapide. Au Congo-Brazzaville, par exemple, lorsqu'il s'est agi de soutenir la sécession katangaise. Ou encore en Guinée. Les Portugais voulaient se débarrasser du mouvement de libération créé par Amilcar Cabral en Guinée-Bissau. Et les Français, en les aidant, entendaient renverser du même coup dans la Guinée voisine le président Sékou Touré, coupable de rejeter le néocolonialisme de notre pays. Un coup de billard, quoi. Mmh. Je pense que Focard n'a pas été tout à fait étranger à cette initiative. Focard qui avait la haute main sur les services secrets. Et qui était aussi l'un des fondateurs du SAC. Hein. J'ajoute, et l'on en terminera avec ce chapitre, que le SDEC permettra à l'un des dirigeants de Lapide, celui-là même qui a présidé à l'assassinat du général Delgado, de trouver refuge en France après la révolution des œillets. Ben, la transition est toute faite. Hein. Venons-en à ces événements d'avril 1974. Et évoquons d'abord de façon plus précise ce qui se passe dans l'armée. Ouais, ce malaise. Oui, de plus en plus, les militaires, surtout les officiers subalternes qui se battent sur le terrain, ont le sentiment de mener une guerre inutile dans les colonies. Ouais, une guerre promise à un échec. Oui, donc, qui sera de toute façon incapable d'empêcher à terme que ces colonies deviennent indépendantes. Un échec qui se traduira par une nouvelle humiliation pour l'armée. Il y a en outre le fait que ces capitaines ont l'impression qu'on les force à se salir les mains en utilisant des méthodes dégradantes. Ouais, la torture, les exécutions sommaires. Oui, oui. Encore aujourd'hui, ces officiers répugnent à parler de ce qu'ils ont vécu en Angola ou ailleurs. Pourtant, ils ont un espoir en 1968. Salazar est frappé par une attaque cérébrale et gravement diminué. Il doit quitter le pouvoir. Son successeur, Marcelo Caetano, semble décidé à infléchir la politique suivie jusqu'alors par Salazar, à la fois sur le plan intérieur et dans les colonies. Quoi, un assouplissement? C'est ça, oui. Mmh. Une dictature plus libérale, si on peut dire. Un allègement de la censure, par exemple, ou encore la permission donnée à certains exilés, comme par exemple le socialiste Mario Soares, de revenir au pays. Le résultat presque inévitable, c'est que l'opposition se sent requinquée. Les étudiants s'agitent, les ouvriers manifestent, et les élections législatives de 1969 voient la victoire de la gauche. Aussitôt, Caetano change radicalement et en revient aux bonnes vieilles méthodes de la dictature façon Salazar. Mais vous m'avez dit quand même que la politique coloniale avait aussi évolué. C'est juste. En apparence, en tout cas, Caetano ne met plus en avant la défense à tout prix de l'Empire, mais justifie la continuation de la guerre par la protection qu'il doit à la population blanche. Ah ouais. En même temps, il laisse espérer un début d'autonomie pour les provinces africaines. Mais c'est une tromperie. En réalité, la guerre coloniale continue toujours aussi impitoyable. Donc, fondamentalement, rien ne changeait avec la période Salazar. Exact. Mais pour tous les observateurs, il est évident que la marmite devra exploser un jour ou l'autre. La paysannerie, qui représente presque la moitié de la population, est toujours plus pauvre et continue à être exploitée par les grands propriétaires. L'économie est quasi autarcique et le Portugal tout entier semble figé dans l'archaïsme. Ouais. Mais devant le raidissement du pouvoir, quelle forme peut prendre la contestation? Le salut ne peut venir que de l'armée. J'ajoute, mais ça ne vous étonnera pas, que les pays amis comme les États-Unis, par exemple, conscients de la dégradation de la situation portugaise, poussent certainement à la roue du changement, même s'ils se trouveront rapidement dépassés par l'ampleur du mouvement. Et vous pensez que les Américains ont pu jouer un rôle actif dans le déclenchement de la révolution? Je suis à peu près sûr qu'ils ont suivi de près l'évolution d'un homme qui va être un des acteurs principaux des événements de 1974. De qui voulez-vous parler, là? Le général Spinola. Cet officier est pourtant loin d'être un révolutionnaire. Aristocrate, résolument conservateur, Spinola était très longtemps un partisan de Salazar. Et en 1973, il est encore gouverneur et commandant en chef des armées en Guinée-Bissau. À ce titre, il a quand même pris l'initiative de prendre langue avec les rebelles dirigés par Amilcar Cabral. Ouais. Est-ce que c'est une initiative personnelle? Oui. Et ça ne plaît guère à Lisbonne. Cabral sera d'ailleurs bientôt assassiné par Lapide. Quoi qu'il en soit, Spinola a compris lui aussi que la guerre ne pourrait pas être gagnée sur le terrain et il est partisan d'une solution négociée. Le successeur de Salazar, Marcelo Caetano, commet alors une grossière erreur. Sans doute pour calmer Spinola ou pour juguler sa volonté d'en finir avec la guerre, il le rappelle à Lisbonne et le nomme à l'état-major des armées. Mmh. Ah, le loup dans la bergerie ? C'est à peu près ça, oui. Car le général a entrepris la rédaction d'un livre où il rassemble ses idées sur la question coloniale, c'est-à-dire la reconnaissance pour les peuples africains du droit à l'autodétermination et le rassemblement des anciennes colonies autour d'une vaste fédération au sein d'un ensemble portugais. Une sorte de communauté à la sauce portugaise. Oui, c'est ça. Alors, le livre de Spinola est publié au début de l'année 1974 et obtient un énorme succès. Le gouvernement est furieux et le général ne tarde pas à être démis de ses fonctions officielles. En mars 1974, je crois. Un mois avant la révolution. Dans le même temps, la grogne des capitaines a grandi. Dès 1973, plusieurs dizaines d'entre eux se sont rassemblés sur des revendications d'abord purement corporatistes. C'est-à-dire ? L'augmentation de leurs soldes, par exemple, ou encore leur aspiration à être mieux reconnus par la nation. Mais très vite, se référant aux idées naguère défendues par le général Delgado, ils passent à une opposition de nature plus politique et même révolutionnaire. Une orientation très à gauche. Oui, mais certains sont très proches des communistes et envisagent déjà ouvertement le renversement de la dictature. Et c'est ce que préconise un manifeste distribué dans les casernes et signé par un groupe clandestin, le MFA, Mouvement des Forces Armées. Et dès la mi-mars 1974, un régiment d'infanterie se soulève en se réclamant à la fois du MFA et du général Spinola. Mais cette initiative est encore prématurée. Les rebelles parvenus jusque dans les faubourgs de Lisbonne choisissent sagement de rebrousser chemin. Ouais, au fond, c'est une sorte de répétition, quoi. Oui, mais enfin, désormais, tout est en place. Ouais. Ce qui m'étonne, c'est que la police politique, la Lapide, s'y présente dans tout le pays. Et qui disposait de milliers d'informateurs. Oui, raison supplémentaire. Alors, n'a-t-elle rien vu venir hein? En Allemagne de l'Est, la Stasi non plus n'a rien pu faire pour empêcher la destruction du mur de Berlin. Je crois qu'il y a un moment où un pouvoir policier, aussi redoutable soit-il, est condamné à l'impuissance face à la volonté populaire. Et à la force des armes, tout de même. Ah, vous avez raison. Alors la suite, vous devez vous en souvenir. Rafraîchissez-moi quand même la mémoire. Le 25 avril 1974, à minuit et demi, sur Radio Renaissance, une radio catholique qui a pris le parti de la contestation, on entend une chanson interdite. C'est le signal qu'attendent les capitaines du MFA. Avec leurs blindés, ils prennent aussitôt la route en direction de la capitale portugaise. La révolution est en marche. Ah, oui, au sens propre comme au sens figuré. Et désormais, rien ne pourra l'arrêter. Dans son Histoire du Portugal, paru chez Fayard en 2000, Jean-François Labourdette évoque l'action du général Spinol. Je le cite. Avec l'approbation du chef d'état-major général Costa Gomes, il avait pris l'initiative de pourparler avec les rebelles afin de s'entendre sur une solution négociée en Guinée, où il commandait. Mais Marcelo Caetano avait durement censuré cette tentative. Il voulut cependant ménager Spinola car il craignait d'autant plus un coup d'état militaire que les capitaines commençaient à s'agiter sérieusement. Aussi, au retour du général dans la métropole au cours de l'été 1973, créa-t-il pour lui la charge de vice-chef de l'état-major général des forces armées. Ne mesurant pas le retentissement qu'il pourrait avoir, il laissa publier son livre « Le Portugal et l'avenir ». Quand il lut, entre autres, que Spinola appelait les généraux à prendre le pouvoir pour mettre fin à la guerre, il le limogea ainsi que Costa Gomes. Les deux généraux lui répondirent par des protestations de fidélité et s'engagèrent à s'abstenir de toute action illégale. Sentant que les forces armées lui échappaient, le président du Conseil n'osa pas aller plus loin. Il n'avait pas pris conscience que par son livre, Spinola avait donné le feu vert au mouvement des capitaines dont il légitimait la révolte et que son indulgence envers les deux généraux ne pouvait que les encourager. Quand il décida de sévir contre Costa Gomes et Spinola, il leur donna le prétexte pour agir. Ce que voulaient éviter par-dessus tout les capitaines, c'était que le sang coule. Aussi, alors que les blindés allaient entrer dans la capitale, au petit matin, il lance un appel radio aux Lisboètes, en leur demandant de rester calmes et de demeurer chez eux. Mais la curiosité, l'enthousiasme aussi ont été les plus forts. Et tandis que les chars entouraient les principaux points stratégiques, ministères, radio, télévision, les habitants se sont répandus par dizaines de milliers dans les rues. Et la distribution des œillets a commencé. Oui, l'œillet, fleur symbole du printemps portugais. Et il n'y a eu aucune tentative de résistance du pouvoir ? Aucune, non. Caetano, réfugié dans une caserne, a bien pensé à un moment ordonner à une frégate qui croisait sur le Tage de bombarder une place de la capitale, mais les marins ont refusé d'obéir. Et le soir même, il a remis sa démission entre les mains du général Spinola. L'homme qu'il venait de démettre. Et le militaire que les capitaines avaient choisi pour les représenter. Ils avaient choisi une vitrine très respectable. Certainement. Spinola, général portant monocle et militaire de tradition, était susceptible d'inspirer confiance aux franges conservatrices et aussi à l'Église. En outre, depuis la publication de son livre, il était devenu très populaire. Pourtant, attendez, politiquement, Spinola est aux antipodes de ces capitaines révolutionnaires et même marxistes. Et le divorce ne tardera pas à survenir. Spinola offrait aussi un autre avantage. Il était à même de rassurer les pays occidentaux. Alors justement, on va revenir à cette question des États-Unis, là. Est-ce qu'ils n'ont pas joué un rôle là, dans tout ça? Écoutez, je n'en ai pas la preuve, mais je suis à peu près sûr que Spinola ne s'est pas lancé dans l'aventure sans avoir reçu des assurances et peut-être des encouragements. À Washington, on savait que la dictature était condamnée à terme. Un Spinola à la tête de la junte offrait la garantie que le nouveau régime ne basculerait pas dans le camp soviétique. Si vous voulez bien, on continue. Donc, les seules violences de ce 25 avril 1974 éclatent devant l'immeuble la DGS, l'ancienne PID. Oui, police politique. C'est le symbole ONI de la dictature. Bien sûr. Et la foule assiège le bâtiment et veut prendre à partie les centaines de policiers qui s'y sont réfugiés. Affolés, certains agents de la police secrète tirent sur la foule. Il y a quelques morts, 6, je crois. Des militaires doivent intervenir et le lendemain matin, les policiers sont désarmés. Mais l'affaire est plus importante qu'il n'y paraît. Ah bon? Pour quelle raison? Certains des manifestants veulent très légitimement se venger. Mais d'autres sont surtout intéressés par les archives de la PID. Et à plusieurs titres. On peut y trouver les dossiers des milliers d'informateurs de la police secrète, mais aussi la PID étant également un service de renseignement de précieuses informations sur la collaboration des espions portugais avec leurs homologues occidentaux. Vous voulez dire que... C'est un exemple peut-être, que les agents communistes pouvaient être désireux de mettre la main sur ces archives? Naturellement. C'est ce qui se passera plus tard dans l'autre sens avec les archives de la Stasi. Ouais. Le rassemblement des manifestants devant l'immeuble de l'ancienne PID n'était donc pas aussi spontané qu'on l'a pensé? C'est ce que je crois, oui. Même si encore une fois la colère des Lisboètes s'expliquait très bien. Dès le lendemain, Spinola apparaît à la télévision, déclare que le temps du salazarisme est terminé et annonce la mise en place de la démocratie. En attendant, ce sont les militaires qui gouvernent. Sous l'autorité du général Spinola, qui est nommé président de la République par la junte. La suite, comme vous le savez, est assez chaotique. Très vite, il se révèle qu'il existe deux camps. D'une part, il y a les modérés, partisans de fonder une démocratie parlementaire classique. Et parmi eux se trouvent les socialistes de Mario Soares. Oui, et de l'autre côté, il y a les communistes et une partie notable des capitaines du MFA qui prônent une démocratie directe et puis l'instauration d'un système révolutionnaire à même d'ordonner des nationalisations et une réforme agraire radicale. Le partage des terres. Une réforme indispensable, tant le système agricole est encore quasi-féodal. Et finalement, les deux camps ne sont à peu près d'accord que sur un seul point. Il faut crever l'abcès colonial et accorder l'indépendance à l'Angola, au Mozambique et à la Guinée-Bissau. Et ça va se faire très rapidement. Fin 1975, il en sera fini de l'empire colonial portugais. D'accord, mais alors revenons à la compétition entre ces deux camps dont vous parlez. Le premier gouvernement provisoire est dirigé par un colonel qui est un compagnon de route du Parti communiste. Il s'érige aussitôt en gardien de la révolution et ça ne va pas sans provoquer de sérieux tiraillements avec le conservateur Spinola. Spinola qui en appelle à la majorité silencieuse, comme on dit. Mais la manifestation organisée par ses partisans tourne au fiasco. Le général en tire donc la leçon et démissionne, non sans promettre à son pays les pires catastrophes. Toutefois, il ne se résigne pas. Et que peut-il faire là? Au mois de mars suivant, il tente un coup d'État, nouvel échec. Spinola est définitivement hors jeu et s'enfuit à l'étranger. Les capitaines du MFA triomphent. Désormais, c'est un conseil de la révolution qui détient la réalité du pouvoir. Mais un mois et demi plus tard, les Portugais sont appelés à élire une assemblée constituante. Et surprise, ce sont les partis modérés qui l'emportent largement. Il y a les socialistes... Et aussi les centristes, le parti communiste ne rassemblant qu'un peu plus de 10% des voix. Dans un premier temps, cet échec de l'extrême gauche ne refroidit pas les ardeurs des capitaines qui contrôlent toujours le gouvernement provisoire. Mais la division a bientôt gagné leur propre camp. Alors, toujours entre révolutionnaires et modérés. Oui, oui, la situation devient quasiment insurrectionnelle et on assiste à de nombreux mouvements sociaux. Mmh. Est-ce que les communistes, malgré leur échec électoral patent, hein, ne sont pas tentés par un coup de force avec l'appui des capitaines les plus radicaux? Non. Non, même si certains s'évertuent à agiter cet épouvantail, mais n'allons quand même pas trop vite, je vais revenir sur cette question. Ah, un peu de suspense peut-être. Allons, monsieur Penaud. Bon, en tout cas, il faut résoudre la crise. Le gouvernement provisoire suivant est composé de modérés. Et pour en terminer avec l'agitation sociale entretenue par les communistes et les gauchistes du MFA, les nouveaux dirigeants prennent une décision spectaculaire. Ils démettent de son poste de gouverneur de la région de Lisbonne le plus flamboyant des officiers contestataires, le général Otelo de Carvalho, qui est aussi la figure de proue du Conseil de la Révolution, un militaire très influencé par la révolution castriste. Ouais, je me souviens, ce Carvalho-là n'est pas un peu tendance à se prendre pour un nouveau Fidel Castro? C'est ce que ses détracteurs ont prétendu, en tous les cas. Un homme très populaire. Hein. Incontestablement. Il représente à lui tout seul le symbole de la révolution, ce fol enthousiasme qui a saisi les Portugais au cours de ces journées inoubliables d'avril 1974. Donc, Carvalho est démis. Mais il n'est pas du genre à s'incliner aussi facilement. Et d'abord parce qu'il compte de nombreux partisans, c'est ça? Oui, dans les forces armées, bien sûr. Mais aussi dans la population. Alors, fin novembre 1975, il essaie de lancer les militaires progressistes qui lui sont acquis à l'assaut du pouvoir. Mais comme plus tôt le général Spinola, il échoue. Arrêté, il est condamné un peu plus tard à 2 mois de prison. Peine très légère, hein? Oui. Mais il n'y a pas eu de combat, seulement une épreuve de force pacifique. Encore un peu plus tard, le commandant Carvalho, car il a été rétrogradé, sera candidat à l'élection présidentielle et obtiendra un score très honorable. Puis dans les années 80, il sera accusé d'avoir créé un mouvement oppositionnel armé et sera très sévèrement condamné. Oui, à plusieurs années de prison. Oui, en tout cas l'échec de ce personnage très charismatique sonne la fin de la révolution. La mise au pas du mouvement des forces armées et la marche vers une démocratie tranquille. Et après l'élection à la présidence de la République du général Eanes, l'élaboration d'une constitution et des élections législatives qui confirment la prééminence des socialistes, Mario Soares est investi à la présidence du Conseil. Ouais. Et un peu plus de 10 ans après la révolution des œillets, seulement 10 ans, le Portugal rejoindra la communauté économique européenne. Oui, oui, oui. Alors, vous m'avez promis de revenir sur la question des communistes. À un moment ou un autre, le parti dirigé par le très stalinien Alvaro Cunhal a dû être tenté de s'imposer par la force. Oui, parce que dans les urnes, il était minoritaire. C'est vrai. Mais les communistes comptaient de nombreux sympathisants dans l'armée. Et après tout, Lénine aussi était minoritaire. Il ne l'a pas empêché de s'imposer par la force. Mais il y avait un premier obstacle de taille. Ces capitaines qui avaient renversé la dictature n'étaient pas vraiment prêts à accepter un nouveau pouvoir totalitaire, fût-il de gauche. Et le deuxième obstacle, encore plus important, est international. Ah, je vois où vous voulez en venir, là, les États-Unis. Bien évidemment. Les Américains ont mis tout leur poids dans cette affaire car il n'était pas question d'accepter un Portugal communiste. Le Portugal devait rester dans le camp occidental. Je suis sûr que pendant tous ces mois où la situation pouvait basculer dans un sens ou dans l'autre, que la CIA n'est pas restée inerte. Ah oui. Et les Soviétiques alors? Eux, ils se sont inclinés. D'abord parce que le Portugal était trop loin de chez eux. Ils n'ont donc fait aucun effort particulier pour aider leurs camarades portugais. Confirmation de cette thèse est donnée par l'avertissement donné au Kremlin par Henry Kissinger au cours d'un discours prononcé en août 1975, c'est-à-dire à un moment où l'on pouvait encore penser que l'extrême gauche était en mesure de l'emporter au Portugal. Je le cite. L'URSS ne doit pas prétendre à la faculté d'influer directement ou indirectement sur les événements, contrairement au droit du peuple portugais de déterminer son propre avenir. L'intervention dans ce sens de puissances extérieures à ce pays, qui est un ami et un allié de longue date des États-Unis, est incompatible avec tous les principes sur lesquels repose la sécurité de l'Europe. Il viendra un moment où nos alliés européens et nous-mêmes devrons nous demander si une influence communiste prépondérante au sein d'un gouvernement est compatible avec l'appartenance à une alliance ayant pour objet de résister à l'agression communiste.